Prologue. La France possédait autrefois dans l'Amérique septentrionale un vaste empire qui s'étendait depuis le Labrador jusqu'aux Florides et depuis les rivages de l'Atlantique jusqu'aux lacs les plus reculés du Haut-Canada. Quatre grands fleuves, ayant leurs sources dans les mêmes montagnes, divisaient ces régions immenses. Le fleuve Saint-Laurent, qui se perd à l'est dans le golfe de son nom. La rivière de l'ouest, qui porte ses eaux à des mers inconnues. Le fleuve Bourbon, qui se précipite du Midi au nord, dans la baie d'Hudson. Et le Mechacébé, vrai nom du Mississippi, ou Mechacipi, note de l'auteur, qui tombe du nord au Midi dans le golfe du Mexique. Ce dernier fleuve, dans un cours de plus de 1000 lieues, arrose une délicieuse contrée que les habitants des États-Unis appellent le Nouvel Éden et à laquelle les Français ont laissé le doux nom de Louisiane. 1000 autres fleuves, tributaires du Mechacébé, le Missouri, l'Illinois, l'Arkansas, l'Ohio, le Wabache, le Tennessee, l'engraissent de leurs limons et la fertilisent de leurs eaux. Quand tous ces fleuves se sont gonflés des déluges de l'hiver, quand les tempêtes ont abattu des pans entiers de forêts, les arbres déracinés s'assemblent sur les sources. Bientôt la vase les cimente, les lianes les enchaînent, et des plantes, y prenant racine de toutes parts, achèvent de consolider ces débris. Charriés par les vagues écumantes, ils descendent au Mechacébé. Le fleuve s'en empare, les pousse au golfe mexicain, les échoue sur des bancs de sable, et accroît ainsi le nombre de ses embouchures. Par intervalles, il élève sa voix en passant sur les monts, et répand ses eaux débordées autour des colonnades des forêts et des pyramides des tombeaux indiens. C'est le Nil des déserts. Mais la grâce est toujours unie à la magnificence dans les scènes de la nature. Tandis que le courant du milieu entraîne vers la mer les cadavres des pins et des chênes, on voit, sur les deux courants latéraux, remonter le long des rivages des îles flottantes de Pistia et de Nénuphar, dont les roses jaunes s'élèvent comme de petits pavillons. Des serpents verts, des hérons bleus, des flamants roses, de jeunes crocodiles s'embarquent passagers sur ces vaisseaux de fleurs, et la colonie, déployant au vent ses voiles d'or, va aborder endormie dans quelque anse retirée du fleuve. Les deux rives du Mechacébé présentent le tableau le plus extraordinaire. Sur le bord occidental, des savanes se déroulent à perte de vue. Leurs flots de verdure, en s'éloignant, semblent monter dans l'azur du ciel où elles s'évanouissent. On voit dans ces prairies sans bornes errer à l'aventure des troupeaux de 3 ou 4 buffles sauvages. Quelquefois un bison chargé d'années, fendant les flots à la nage, se vient coucher parmi de hautes herbes dans une île du Mechacébé. À son front orné de 2 croissants, à sa barbe antique et limoneuse, vous le prendriez pour le dieu du fleuve qui jette un œil satisfait sur la grandeur de ses ondes et la sauvage abondance de ses rives. Telle est la scène sur le bord occidental, mais elle change sur le bord opposé et forme, avec la première, un admirable contraste. Suspendue sur le cours des eaux, groupée sur les rochers et sur les montagnes, dispersée dans les vallées, des arbres de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les parfums, se mêlent, croissent ensemble, montent dans les airs à des hauteurs qui fatiguent les regards. Les vignes sauvages, les bignonias, les coloquintes s'entrelacent au pied de ces arbres, escaladent leurs rameaux, grimpent à l'extrémité des branches, s'élancent de l'érable au tulipier, du tulipier à l'alcé, en formant 1000 grottes, 1000 voûtes, 1000 portiques. Souvent, égarées d'arbre en arbre, ces lianes traversent des bras de rivière, sur lesquels elle jette des ponts de fleurs. Du sein de ses massifs, le magnolia élève son cône immobile. Surmonté de ses larges roses blanches, il domine toute la forêt et n'a d'autre rival que le palmier qui balance légèrement auprès de lui ses éventails de verdure. Une multitude d'animaux placés dans ses retraites par la main du Créateur y répandent l'enchantement et la vie. De l'extrémité des avenues, on aperçoit des ours enivrés de raisins qui chancellent sur les branches des ormeaux. Des caribous se baignent dans un lac, des écureuils noirs se jouent dans l'épaisseur des feuillages, des oiseaux moqueurs, des colombes de Virginie, de la grosseur d'un passereau, descendent sur les gazons rougis par les fraises. Des perroquets verts à tête jaune, des pivers empourprés, des cardinaux de feu, grimpent en circulant des cyprès. Des colibris étincellent sur le jasmin des Florides, et des serpents oiseleurs sifflent suspendus au dôme des bois en s'y balançant comme des lianes. Si tout est silence et repos dans les savanes de l'autre côté du fleuve, tout ici, au contraire, est mouvement et murmure. Des coups de bec contre le tronc des chênes, des froissements d'animaux qui marchent, broutent ou broient entre leurs dents les noyaux des fruits, des bruissements d'ondes, de faibles gémissements, de sourds meuglements, de doux roucoulements, remplissent ces déserts d'une tendre et sauvage harmonie. Mais quand une brise vient à animer ces solitudes, à balancer ces corps flottants, à confondre ces masses de blanc, d'azur, de vert, de rose, à mêler toutes les couleurs, à réunir tous les murmures, alors il sort de tels bruits du fond des forêts, il se passe de telles choses aux yeux, que j'essaierais en vain de les décrire à ceux qui n'ont point parcouru ces champs primitifs de la nature. Après la découverte du Mecha-Sébé par le père Marquette et l'infortuné La Salle, les premiers Français qui s'établirent au Biloxi et à la Nouvelle-Orléans firent alliance avec les Natchez, nation indienne, dont la puissance était redoutable dans ces contrées. Des querelles et des jalousies ensanglantèrent dans la suite la terre de l'hospitalité. Il y avait, parmi ces sauvages, un vieillard nommé Chactas, la voix harmonieuse, note de l'auteur, qui, par son âge, sa sagesse et sa science dans les choses de la vie, était le patriarche et l'amour des déserts. Comme tous les hommes, il avait acheté la vertu par l'infortune. Non seulement les forêts du Nouveau Monde furent remplies de ses malheurs, mais il les porta jusque sur les rivages de la France. Retenu aux galères à Marseille par une cruelle injustice, rendu à la liberté, présenté à Louis XIV, il avait conversé avec les grands hommes de ce siècle, et assisté aux fêtes de Versailles, aux tragédies de Racine, aux oraisons funèbres de Bossuet. En un mot, le sauvage avait contemplé la société à son plus haut point de splendeur. Depuis plusieurs années, rentré dans le sein de sa patrie, Chactas jouissait du repos. Toutefois, le ciel lui vendait encore cher cette faveur. Le vieillard était devenu aveugle. Une jeune fille l'accompagnait sur les coteaux du Mecha-Sébé, comme Antigone guidait les pas d'Œdipe sur le Cithéron, ou comme Malvina conduisait Ossian sur les rochers de Morvène. Malgré les nombreuses injustices que Chactas avait éprouvées de la part des Français, il les aimait. Il se souvenait toujours de Fénelon, dont il avait été l'hôte, et désirait pouvoir rendre quelque service aux compatriotes de cet homme vertueux. Il s'en présenta une occasion favorable. En 1725, un Français, nommé René, poussé par des passions et des malheurs, arriva à la Louisiane. il remonta le Métchassébé jusqu'au Natchez et demanda à être reçu guerrier de cette nation. Chactas l'ayant interrogé et le trouvant inébranlable dans sa résolution, l'adopta pour fils et lui donna pour épouse une indienne appelée Séluta. Peu de temps après ce mariage, les sauvages se préparèrent à la chasse du castor. Chactas, quoique aveugle, est désigné par le conseil des sachems, vieillard ou conseiller, note de l'auteur, pour commander l'expédition, à cause du respect que les tribus indiennes lui portaient. Les prières et les jeûnes commencent. Les jongleurs interprètent les songes. On consulte les Manitous, on fait des sacrifices de pétain, on brûle des filets de langue d'orignal, on examine s'ils pétillent dans la flamme afin de découvrir la volonté des génies. On part enfin après avoir mangé le chien sacré. René de la troupe. À l'aide des contre-courants, les pirogues remontent le Métchassébé et entrent dans le lit de l'Ohio. C'est en automne. Les magnifiques déserts du Kentucky se déploient aux yeux étonnés du jeune Français. Une nuit, à la clarté de la lune, tandis que tous les Natchez dorment au fond de leurs pirogues et que la flotte indienne, élevant ses voiles de peau de bête, fuit devant une légère brise, René, demeuré seul avec Chactas, lui demande le récit de ses aventures. Le vieillard consent à le satisfaire et, assis avec lui sur la poupe de la pirogue, il commence en ces mots.